ce qui succombe face à nos chaleurs, se repliant toujours plus sur notre confort. Futile espoir, bonheur cynique, en face au grand soir, toute pensée addict. Mais je veux croire que tout n'est pas si blafard. Sourde conscience que celle des hommes qui, malgré leur science, encore abandonnent.